émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Lafouine, capitale du crime 4. C'est parti pour une nouvelle soirée en direct avec le Skyrock FM Club branché. L'application, vous avez les images sur l'application Skyrock. Allez télécharger l'application si vous ne l'avez pas encore. C'est parti pour le capital du crime 4 avec la Fouine qui est là. Comment va? Attends, hey, Xo. Ah oui, mais t'es en train d'installer, de dévoiler déjà la liste des invités. Excusez-moi, j'ai mis une crampe à qui, à quoi? C'est quoi l'histoire? T'as mis une crampe à Fred là. Fred, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Installe-toi. Nos invités. Bah oui, il y a des invités. Il y a deux invités ce soir dans l'émission qui sont présents sur Capital du Crime 4 qui sort lundi dans les bacs. Yes. Bah, je suis content d'être là. Et bah, nous aussi, on est content. Bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue. Bon mardi soir. La Fouine est sur Skyrock. Commencez à aller déjà sur Twitter, Facebook, tout ça. Mettez Jazz La Fouine sur Skyrock. CDC4 arrive lundi prochain. Il est déjà en précommande sur iTunes. C'est un truc de malade. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter des invités de marque. Eh oui. Deux personnages qui marquent justement la nouvelle génération forte. Un que je connais très très bien. Et puis un autre qu'on va vous faire découvrir et que vous connaissez aussi très bien sur les réseaux sociaux et sur Internet depuis pas mal de temps. Le 9-2, le 9-3. C'est ça. Yes. D'ailleurs, il y a eu un morceau en commun Xo avec eux et aussi. Et Sultan. Je vais laisser parler deux secondes. Je vais enlever mon pull. Vas-y. Mets-toi bien. Mais oui, t'es arrivé en speed. Mets-toi bien, tranquille. Exo, Sultan, comment ça va, messieurs? Alhamdulillah. Tranquille. En forme. Tout se passe bien. Je disais 9-2, 9-3, vous aussi, vous connaissez bien, parce qu'il y a eu un morceau en commun, d'ailleurs. Exactement. De vous deux, qu'on peut toujours aller mater. Il y a le clip qui va avec aussi. Hit de rue. Hit de rue. Et puis CDC4 aussi, qui sortira lundi prochain. Bon, tout va bien? Ouais, ça se passe. Ça va, Sultan. Sultan, quelles sont les nouvelles? Bah, toujours en studio, en train de préparer l'album qui va arriver pour très bientôt maintenant. Et toi, Exo, c'est là, décembre, il y a un projet? C'est ça, décembre, premier projet, tu vois. Petite carte de visite avec plusieurs morceaux qu'on a déjà sortis, set inédit. Voilà quoi. Et le fait qu'il soit sur Capital du Crime 4, Exo, c'était une volonté de ta part, évidemment, la Fouine. Tu l'as entendu, tu l'avais entendu, tu le connaissais? Bah, c'est que je l'ai découvert justement sur Internet. Mm-hmm. Je l'ai découvert surtout sur le morceau C'est Exultant. Et puis je l'avais aussi découvert sur des clips qui balançaient. C'est Ruskov qui m'avait encore montré. Tu sais, Ruskov, c'est un peu mon missionnaire du rap français. C'est lui qui me montre un petit peu les jeunes talents, les jeunes nouveaux. Il y a un gros truc autour de lui. Et puis voilà, j'ai vu un clip de Exo et j'aimais bien son soir, j'aimais bien sa manière de rapper, les punchlines qui balançaient. Et après, quand il a fait le feat même avec Sultan, et ben je me suis rendu compte du potentiel de l'artiste. Et donc je l'ai contacté et puis il est venu rapidement. Et puis il a accepté de poser. Il a ramené sa touche sur le morceau Cric Cric, qui est aussi un morceau qui plaît énormément aux jeunes, qui plaît énormément sur Internet. On a de très bons retours, que ce soit sur iTunes, que ce soit sur YouTube ou des jeunes fans. Et ben, je suis content de l'avoir en tout cas. Voilà, c'est deux artistes vraiment qui font partie de cette nouvelle génération qui pousse le truc. Et ben, on pourra découvrir les morceaux tout à l'heure que vous avez fait en commun. On va débuter avec Va Bene, mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Alors rappelle-nous justement un peu le concept des capitales du crime, parce que maintenant ça fait plusieurs années que t'as lancé ça. Bah, c'est le quatrième volet d'une mixtape que je sors tous les deux ans, sur laquelle il y a quelques morceaux solo et surtout beaucoup de featuring avec la nouvelle génération telle que Cozy, qu'on peut retrouver ce soir avec moi. Yeah. C'est des C4 dans les bacs, détendez-vous, c'est que l'intro. Que t'as découvert quand t'étais au Maroc? J'ai découvert au Maroc et puis ce fut un coup de cœur. J'ai dit à mes cousins, mais c'est un truc de ouf ce morceau, faut absolument que je le reprenne. Puis j'avais des frissons en l'écoutant, donc je me suis dit bah je vais le reprendre, je vais le faire à la Fouini quoi. On est premier avant les pubs, un morceau dont l'origine est X-Men avec Retour aux Pyramides. C'est ça. C'est un morceau qui a marqué le rap français des années 90, hein, celui-ci. C'est ça, exactement. C'est un morceau même qui m'a donné envie de rapper. Ouais, celui-ci, ouais, t'as donné envie de rapper. Ouais. Donc toi, t'as repris le son. J'ai repris le son et c'est mon morceau préféré de CDC4. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots. J'ai de la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. Planet Rap.

فري كبر نابوليتانو نكرام اي غاري خلي العجاني قولو لحقوني لداري خويا هاد الغشي مالو دنيا كراتني باللي العجاني بانو. CDC 4, c'est dans les bacs, ça approche dans 6 jours maintenant, le 24 novembre, sortie de La Fouine avec Capital du Crime 4 et beaucoup d'invités, on le disait, sur ce projet. Bah pareil, hein, ceux qui poussent comme Xo avec nous ce soir, qui nous vient du 9-3, Sultan qu'on connaît, un autre aussi. Tu veux un peu de chocolat pour mélanger avec ta Batavia? Ah, très bien, merci. Attends, on va trouver un peu de chocolat. Je vous remercie Demon One qui est passé, qui nous rapporte toujours des très bonnes Batavia de son jardin. Il est où Demon One? Je sais pas. Grosse dédicace à Demon. Ah, bah il est là, Demon, il est là. On est là. C'est bonsoir. Ça va, Demon? Bonsoir, tout le monde. Je disais que t'as un sacré jardin quand même à chaque fois. Hein, T'as été. Un jardin botanique. Voilà, un très, très beau jardin botanique. Bon, bah bienvenue en tout cas à Demon One qui est venu faire un petit coucou dans l'émission. Bah, on est venu soutenir la famille. Là, on est, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On est parti ensemble en Tunisie, au Mali. La classe. Voilà, donc ça fait plaisir d'être là et de le soutenir pour son album, Inch'Allah. Dis-moi, en plus, Demon, je t'ai jamais invité sur un CDC. Peut-être le prochain, je vais t'inviter sur CDC. Inch'Allah, ça serait bien sur CDC, un bon petit morceau. Bien sûr, ouais, c'est toujours la grande classe. Ou ça pourrait être moi qui pourrait t'inviter sur mon prochain album solo aussi. Tu m'invites quand tu veux, mon gars. Bah, c'est pour 2015. 2015, l'album solo de Demon One. Merci, Demon, d'être dans le coin. Merci. Entre 20 et 21, Sultan Xo aussi avec nous. On va passer un morceau dans quelques minutes. Aujourd'hui, on va se passer justement, on va se passer Cri-Cri qui connaît pas. Cri-Cri, c'est futur. Avec Xo et puis connaît pas ses featuring avec Sultan. Donc on va se passer ces deux morceaux et après on se mettra encore un inédit. Alors qu'est-ce qu'on met alors en premier? Alors on va commencer, on va commencer par Cric Cric. Mmh. Et après on va commencer par Connaît pas vu qu'on le connaît pas. Qu'on le connaît pas. Et après on se mettra Cric Cric et après on se mettra. Sultan, tu veux dire un morceau, un mot sur ce morceau? Ouais, grosse prod de mon gars DJ Score. Fond, il avait déjà taffé le terrain, mais j'avais juste à poser mes voix et voilà, j'ai fait le refrain, j'ai fait un couplet lourd. Et bon, l'écoute maintenant. Allez, on se met ça. Connais pas. On exclut tout de suite, c'est sur CDC 4. Bosoluto TP. Salut mon vieux, tu me reconnais? Nique sa mère le commissaire, bâtard me fait des frais d'avocat. Ici pour prendre mon blé, pour prendre de gros apparts au trocat. La dalle elle vient du bled, la même des Comores jusqu'au Rothman. Je fais la France à l'hôtel, tu quittes avec Dominique Strauss-Kahn. Les têtes à tête on connaît pas, donner des places on connaît pas, trahir l'ami on connaît pas, tu me follow mais je te connais pas. RERAB, vente de la C dans le D, j'ai jamais oublié le bâtiment B, j'ai appuyé dans le biseau de cimenté, je rappe comme un Tunsi, c'est pimenté, les têtes à tête, c'est fini, c'est calage contre Uzi, frérot tu traînes tes casseroles normales que les cups de cuisine, viens pas ici, on fuck, Renoir, tu vas danser sur de la funk, si tu vois deux gars sur un T-Max, non, ce sera pas les Dapunk, ce sera des ratatatatata, nique ta mère, fils à papa, pompon le salon, fait d'autostop, c'est le succès, papa, nique ta mère, le commissaire, bâtard me fait des frais d'avocat. Ici pour prendre mon blé, pour prendre de gros apparts au trocat. La dalle elle vient du bled, la même des Comores jusqu'au Rothman. Je fais la France à l'hôtel, tu quittes avec Dominique Strauss-Kahn. Les têtes à tête on connaît pas, donner des places on connaît pas, trahir la mif on connaît pas, tu me follow mais je te connais pas. Grave de fil, fin fond de ma street, tu sais pas le nombre de gens que j'appris. Pas doute, ce soir MC t'es ma petite sucée. Toute la longueur de ma bite, qui dit fan du bif dira je pense que c'est des mathématiques. Rien que souris, ceux qui baissent le plus en vrai sont juste les plus sympathiques. Percé, ce n'est plus un procès, glacé. Mais t'es ancien à ce que j'ai, j'encaisse tous les coups, les que c'est. Moi je cours tous les sons, les que j'ai. Stoppez-moi le son, j'ai un truc à dire en a cappella. J'ai tellement de faire du sale que même le MM pourra pas te faire. C'est mes rodka, je défonce comme la faute. Je vous prends en levrette, pour ça que je suis penché sur vodka. Je me régale, je sauce ça. Mon flow rafale comme Sosa. Le rap a des nausées, putain, j'ai dû le baiser sans pote. Nique sa mère, le commissaire, bâtard me fait des frais d'avocat. Ici pour prendre mon blé, pour prendre de gros apparts au trocat. La dalle elle vient du bled, la même des Comores jusqu'au Rothman. Je fais la France à l'hôtel, tu quittes avec Dominique Strauss-Kahn. Les têtes à tête, on connaît pas. Donner des places, on connaît pas. Trahir la mif, on connaît pas. Tu me follow, mais je te connais pas. Les putes. putain de dés sont lancés, gros, le game est plié. Peu importe ton horoscope, la bague soulève au bélier. Du sang et des larmes, du sang et des larmes. Du sang et des larmes, du sang et des larmes. Mes bijoux sont froids, mon torse est un mois de décembre. Une ruette de l'hémoglobine sur un billet de 500. Du sang et des larmes, du sang et des larmes. Du sang et des larmes, du sang et des larmes. Laisse-les crier, je les regarde haut. Oh oh oh, oui, oui, oui. Laisse-les font pitié, on sait qui contrôle. Oh oh oh, loue-toi. Ils vont supplier, personne n'aura notre peau. Oh oh oh, on va tout plier pour nos frères en jaune. Oh oh oh. C'est sur Capital du Crime 4 avec Sultan à l'instant en pleine forme sur ce morceau. On connaît pas. On connaît pas. Excellent. Ouais. T'as vu les réactions? Vous avez vu les réactions? Ouais, ah, très ouais. Bonne réaction. Continuez à envoyer vos réactions. 41 Sky, 41 759. Gros couplet de Sultan. Gros. Je l'ai dit un fois de clipper ce morceau, putain. Ah, mais ça va venir. Il a dit qu'il mettait plein d'images. Je veux dire, de toute façon, là, il y a eu des clips qui sont arrivés tous les vendredis, mais ça va continuer, hein, jusqu'à même quand l'album est sorti. Moi, je t'invite à abonner, frère. De ouf. Clip. Vas-y, on va tourner ça là-bas. En plus, quand j'étais petit, dans mon quartier, j'avais toujours pêché de la drogue. Mais nous on veut pas, tu vois, depuis là, cette époque j'ai pas retourné, tu vois, je suis pas retourné là-bas, tu vois, j'ai rien à faire, tu vois, là-bas je veux pas finir, je la DST Masta. Non, bon, Sultan qui bosse aussi pareil, hein, sur le projet pour 2015. Ouais, Condamné à régner, mon deuxième album solo, on est sur la fin là, donc voilà. Et bon, on suivra ça. Et puis en attendant, sur Capital du Crime 4, ça sort lundi. Avec ce soir aussi Ixo qui est là aussi avec nous. On mettra le morceau Cric-Cric dans quelques minutes. Dans quelques minutes, on va se mettre Cric-Cric. Restez à brancher, restez à l'antenne. Ça se passe ici sur Skyrock. Juste avant, on va faire un petit vrai faux de ce qu'on a pu relever sur toi sur le net. Hein. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. D'accord. Sur le net. La fouine, tu vas dire vrai ou faux? Vrai faux, allez. CDC 4 sera le dernier volume de Capital du Crime. Faux. Faux. Grosso modo, c'est quoi les sorties? Tous les deux ans, c'est ça, t'essayes de ouais, sortir? Ouais, c'est ça, c'est tous les deux ans, il y a cette mixtape que j'aime sortir, qui me tient à cœur, donc je pense que c'est faux. D'accord, et Planète Trap? Planète Trap. Moi, je l'aimais bien, celle-ci, Planète Trap. Ouais, le truc, c'est que j'adorerais ressortir des Planète Trap. Mais alors, il faut expliquer pour ceux qui connaissent pas, c'était aussi pareil, une série de mixtapes que tu faisais il y a quelques années de ça. Ouais, c'est des reprises, en fait, c'est des reprises de morceaux qu'un rit. Mais ce qui me fait chier avec ce concept, c'est qu'aujourd'hui, si je rentre, ouais, si je rentre en studio pendant quelques mois pour enregistrer un projet comme ça sur des prods qui m'appartiennent pas, je pourrais même pas le sortir. C'est plus comme avant. Avant j'étais pas trop connu, je pouvais balancer ça. Aujourd'hui, si je prends une prod de Rihanna, bah t'as Universal qui vont me tomber dessus. Si je prends une prod de, tu vois, avec quelques avocats. Voilà, c'est ça. Donc là c'est un peu plus compliqué. Peut-être qu'un jour, comme ça par plaisir, j'en ferai une gratuite et puis je la balancerai sur internet. Ça me plairait bien. Ça, c'est vrai que c'est un kiff. Bon, vrai ou faux, vu sur le net, depuis que tu es parti aussi vivre aux États-Unis, parce que c'est vrai que tu vis moitié de ton temps aux États-Unis, entre la France et les États-Unis, tu t'es mis à jouer au basket. Oui, vrai. C'est vrai? Ouais, vrai, j'adore jouer au basket. Ça y est, c'est une vraie passion? Ouais, c'est une vraie passion. J'ai découvert le basket avec mon pote Ronny Turiaf, justement, qui joue au Minnesota. Je fais une grosse dédicace à Ronny, qui m'a fait découvrir le basket il y a 4-5 ans de ça, quand il jouait au New York Knicks. Donc j'ai eu la chance de partir le voir au Madison Square Garden. Depuis ce jour-là, je rate pas un match à Miami. J'habite en face de l'American Airlines Arena, donc je vais voir tous les matchs de basket. Et puis des fois même, je me déplace aux États-Unis pour voir des matchs. J'adore le basket, c'est vraiment un sport. Et puis je joue de temps en temps aussi. T'es un gros fan de basket déjà, même avant? Non, avant je connaissais pas. Avant c'était que le foot dans ma tête, hein, tu vois, comme tous les jeunes d'ici. Et puis j'ai découvert le basket il y a 4-5 ans ça. Et alors par rapport au foot? Je préfère le basket maintenant. Je préfère jouer au foot et je préfère regarder le basket. Très bien. Eh ben écoute, à suivre. Bon, vrai ou faux, il paraît que tu devais faire un film et le réalisateur voulait te couper la barbichette, donc tu refusais. Non, faux aussi. Ça, c'est faux. Non, faux. Si un jour j'ai un bon film que je dois couper ma barbichette, et ben je la couperai pour l'occasion. Hein. On en est où d'ailleurs dans le ciné? Après, ça dépend du budget du bon film. Ah ouais, ben combien coûte la barbichette? À combien est estimée la barbichette pour la couper la fin? Je sais pas, 4-5 bords. Ah oui. Non, mais sur le ciné, il y a quoi? Il y a des choses de prévues ou pas? Ouais, sur le ciné, donc là, il y a eu le film qui est sorti cet été, c'était à toute épreuve. Et puis là, j'ai tourné sur un autre gros film qui arrive qui s'appelle Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams. Donc j'ai un petit rôle aussi. Et il y a aussi un petit projet aussi de série qui va arriver pour Arte. Et sinon, je suis toujours là. J'adore moi faire du cinéma, jouer la comédie, c'est cool. Donc je suis ouvert à toute proposition. Voilà, de toute façon, c'est une carrière sur le long terme, quoi. Bon, et enfin, dernier vrai ou faux, il y aura un nouvel album de La Fouine en 2015. Et je pense que c'est vrai, soit fin 2015, soit début 2016. Parce que là, je viens de rentrer en studio justement pour travailler sur ce nouvel album. Et je suis plutôt fier de ce qui est en train de se passer. Donc là, ouais, voilà. Là, tu te laisses aller avec ces quatre. Comme d'hab. Et après, donc. Nouvel album. Nouvel album de La Fouine, donc peut-être pour 2016. Mmh. On va revenir dans quelques minutes. Il y aura du live avec vous aussi, messieurs, je ne vous ai pas demandé. Mais... Attends, il y a un vrai ou faux que tu as oublié de poser aussi. Parce que Fababi n'est pas sur CDC4. Et on me pose plein de questions. Mais j'allais y venir, dans la semaine. Je l'ai invité, il devait passer là dans la semaine. Bon, alors, vrai ou faux, Fababi ne veut plus te croiser. Non, c'est mon pote, j'étais au téléphone avec lui tout à l'heure. En fait, Fababi, c'est mon frérot. Et puis, on a enregistré deux ou trois morceaux pour CDC4, mais les morceaux, ils n'étaient pas au niveau. Tu vois, soit la prod n'était pas terrible, soit il fallait refaire. Dis la vérité, dis qu'il a peur de moi et que. Voilà, tranquille. T'as vu, j'avais pas chauffé avec. Je rigole. Au final, j'ai pas voulu trop le saouler parce que lui, il est en studio en ce moment, en train de travailler vraiment un album de malade. J'ai écouté le prochain single qui va balancer Evil, et c'est un truc de ouf. Et parfois tu donnes des coups de main à des artistes en les invitant à poser, en insistant, et parfois tu donnes aussi des coups de main à des artistes en les laissant tranquilles faire leur travail. Et c'est ce que je suis en train de faire avec Fababi. Il est actuellement en studio en train de travailler dur, et les morceaux qu'il va balancer, c'est un truc de ouf. Il m'a fait écouter 4-5 morceaux, c'est de la tuerie. Je fais une grosse dédicace à Fababi. J'aurais voulu fort qu'il soit sur le projet, mais bon, il a pas pu en être faute de temps, et puis voilà, le timing était un peu serré, mais voilà, c'est un frérot. Et donc tout va bien parce que j'entends des trucs, je voulais des trucs. Fababi, c'est la famille, voilà, grosse dédicace à Fababi, et puis il arrive avec un morceau très lourd, Evil. Bon, salut en tout cas Fababi, Sultan est là ce soir. Pour l'instant, avantage à Sultan. Voilà. Pour conclure sur cette histoire. On va revenir. Qu'est-ce qu'on va mettre dans quelques minutes? Alors, dans quelques minutes, on va mettre Cric Cric, featuring Ixo. Yes. Et je voulais faire une grosse dédicace aussi à Yuri Kalanga, aka El Toro. Il est champion du monde de WBA. Il fait partie de la Team Swag. Et il a mis un KO, là, il y a quelques jours. C'est un truc de malade. Donc, grosse dédicace, Yuri. Bah, terrible pour Yuri. Et Ixo, on balance le morceau Cric Cric? Cric Cric, en direct. D'ici quelques minutes, bougez pas. Ah ouais, je fais une grosse dédicace aussi à tous les frérots d'Ixo qui sont arrivés là pour le clip. Ouais, là, franchement, ils ont trop d'attitude. C'est un truc de malade, ces gars. Une équipe trop swag. Mais toi, c'est Sevran, l'équipe de Sevran. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Laisse tomber, ils sont trop swag, les gars. Ils sont arrivés avec leurs locks, tout. Putain, c'est récré à Chicago, mon gars. J'ai envie de dire que de la peufra. Ah ouais, que de la peufra. Et continuez à envoyer vos messages au 41 Sky 41 559. Ça fait plaisir. Gros soutien pour CDC4. On s'enjaille. Bougez pas, on s'enjaille juste après ça. You listen to Skyrock. Comme toi. La Fouine a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Capital du Crime 4, ça sort lundi 24 novembre. Déjà en précommande, on peut y aller, on peut aller cliquer pour la voir. Allez cliquer dès maintenant sur iTunes, et il y a deux morceaux offerts justement en cadeau pour ceux qui le précommandent dès maintenant sur iTunes et ceux qui l'achètent sur iTunes. Donc allez le pécho, ça fait plaisir de voir tous ces bons retours. Envoyez vos messages au 41 Sky 41 759. CDC4, la mixtape de l'année, et bientôt dans les bacs dès lundi. Qui écoute depuis Casa aussi, qui balance des messages, c'est où ça? Grosse dédicace à tous les étrangers qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent sur internet, que ce soit au Canada ou en Afrique ou en Belgique, partout en Europe. En gros big up à vous, on vous soutient aussi. Ce soir dans le studio, Sultan est là avec nous, Ixo aussi est là. Et on va balancer donc ce morceau maintenant. Cric cric. Morceau cric cric. T'as un souvenir du studio, l'enregistrement, toi Ixo, tu veux dire un petit mot dessus? Morceau, c'est un délire pour moi. Tu vois? Je suis arrivé, je suis rentré au studio, la Fouine m'a fait écouter la prod, frère, ça m'en parlait tout de suite. T'as parlé tout de suite? Il m'a parlé tout de suite. Il a compris que c'était mon délire un peu. Il a dit hey, je te vois dessus. Tu vois? Bah avant de proposer à des artistes, j'essaie de voir un peu leur délire, voir l'univers, ce qu'on peut apporter sur la prod. Et puis en général, je me trompe pas. Et puis là, je me suis pas trompé sur Ixo. Et là, boum. Allez, on le balance le morceau, c'est parti. Cric cric. Pour rien gros, ma voix sonne comme un. Ton meilleur pote, ta banane, à se battre, laisse parler les. Et tu peux sortir la calage, vois la mort en face sans entendre les. Et les 9 milliers discutent entre eux, font du bruit, j'entends les. Et tête à tête c'est fini. Crissement de pneus et tête à tête c'est fini. Plus d'extinte que des chalotes F à babe. J'attends la symphonie des. J'suis condamné à régner. Ouaté qu'à la coude. Jusque devant ma porte, ces fils de pute font parler. Tôt ou tard et le perron. N'oublie rien sur la tête de mon. Plus le temps de parler pour rien. Douce mélodie t'allais. Genre de boîte pété bitch. J'écarte les cuisses que je rentre mon. On cartonne comme Ayrton. Donc tous ces rages je veulent nous. Pour niquer leur daronne. Comme Nicky Larson ça se réglo. Quand l'heure de la vengeance sonne, entends les horloges chanter. Ton buzz n'est plus dans l'air du temps. Je vois ta carrière étranglée. Attaque soviétique, négro j'ai le flow à Staline. Pour éteindre une embrouille négro va falloir que t'allumes. Comme des bassos dans un chargeur, toute ton équipe en la ligne. C'est l'histoire d'un bazooka qui voulait viser la lune. Sur un clic-clac, t'as surpris d'Ahlène, ça finit en boucherie. Les balles se perdent, les corps se trouvent, pas de témoins, pas de soucis. La poésie des glauques et des histoires finissant. On t'allume pour une clope, dans ta boîte ça finit en. Mon prof c'est Yuri Orlov, si le savoir est une arme. Tous les tirs sont cadrés, normal ici c'est banal. Un glauque dans la bouche et les chargeurs bégayent. Un corps sur la touche et on part en YZ. La chaleur de la vengeance, la froideur du métal. Quand un gars tire en l'air, y'a pas que Bolt qui t'écale. Ce soir le rap français finit noyé dans la scène. J'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'avais leur SACEM. Yes. Un son pas de face comme le cul à Nicky. Exophonie bang bang, vas-y sors le liquide. Transaction illicite, mon équipe rapplique. On gère le bis au fils de paye au quart de but. Nous c'est le R, c'est quoi ton équipe. Cette année je prends le titre et la Champions League. Flow t'as mes léons, sur l'instru je m'attarde. La voix qui électrique, puis je provoque des iCardiacs. Arnaque, oui je vais la mettre. Cloqué, chargé, vis dans la tête. Que personne m'arrête, on m'a dit tout cramé sur le CDC. CDC, depuis tout petit je suis requin dans cette piscine d'MC. MC, savent comment je rappe, comment je trappe, comment je dream. Salut V2, c'est le prince de la ville. Dans cette zéro, tout qui fait l'industrie en tournée dans tout. Les guettas, j'ai fait du chemin depuis la compil face B. Non d'abusant, j'tabasse le rap, mais les gros pensent mal. On a fini à l'hôpital, on a plaidé coupable. Violence à réunion, on a plaidé coupable. J'sors de l'école de la rue et par nous t'es le sang. J'suis devenu un pêcheur en mordant à l'hameçon. J'veux plus tourner en rond, j'en fais sur terrain. Young nigga, pense comme un ancien. Mes potes m'ont dit, Sartek, tu kicks, tu veux rappeur et ta bibi. Tu veux rappeur et ta bibi. Les gars t'écoutent même sur Facebook, hit like, hit tweet, tu connais la suite. Tu connais la suite, grosse commission, perquisition, billet d'avion, on prend la fuite. J'ai l'impression que ça a été validé en tout cas par le studio. Hein. Ah, ce son a été validé par la rue, je crois. C'est et les messages qui arrivent aussi, hein. J'aime trop savoir. Allez-y, continuez à balancer des messages. 41759 avec le hashtag La Fouine sur Skyrock. Ce morceau s'appelle Cric Cric avec Xo avec nous ce soir aussi. Xo l'ennemi. Du live dans quelques minutes qui se prépare. Yes, c'est ça. Je crois que ça va être bien chaud. Je pense que ça va être un gros live là parce qu'on a deux gros kickers là. Mmh. Soit Sultan ou Xo, ça va vraiment être un très très gros eh oui. Live. Oui. Que de la peu frais. Puis Xo qui sort le projet, c'est au mois de décembre. Ouais, hein, Diagonal en décembre, frère, c'est le premier projet. Tu vois, c'est une carte de visite. Mais je crois qu'il est déjà en précommande sur iTunes. Allez tous le pécho là, en précommande sur iTunes. Le projet Xo, il est très très lourd. Non, précommande avec Tuki, on a géré ça, tu vois. Mais on fait une grosse dédicace à Tuki, justement. Tuki, voilà. Voilà, Tuki qui a pas pu être là, bon, on sait pas pourquoi. Mais on lui fait une grosse dédicace. C'était lui qui nous avait mis aussi en relation avec Xo. Donc, grosse dédicace à lui. Dommage qu'il soit pas là pour savourer justement les fruits de ce travail. Et ben, ça arrive le live dans quelques minutes. Juste avant, on est avec Bunty de Valenton. Ouais. Ça va bien, Bunty? Ça va bien, et vous? Bah écoute, bienvenue. Il y a Sultan, il y a Xo et il y a le Planète Rap de La Fouine avec Capital du Crime 4. Salut tout le monde, salut les gars. Oui. Tu es prêt à rapper? T'es prêt? Ouais, je suis prêt, mais est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis en direct de mes toilettes, là. Et t'en es où, alors, concrètement? Bah là, je suis à la descente, là, c'est en train de... Bah écoute... Mais je suis prêt. Ça me donne de l'inspiration. T'as une 30 pour retenir, vas-y, balance. Ok, y'a pas de soucis. Ok, Bounty, l'homme au plus, Rokiki, hein. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Cédric. J'ai la peau qui pique, comme le porc épique. Quand je me lève, je suis pas très éveillé. J'ai la tête encore dans mon oreiller. Je suis très fatigué, à vrai dire je me suis pas lavé. J'ai les aisselles qui sentent la viande avariée. Pour régler ça, je vais dans ma salle de bain. J'allume l'eau pour me prendre un petit bain. je me savonne au savon de Marseille. Même si j'habite à Paris et non à Marseille, je suis tout propre, mais j'ai une haleine de cachalot. Je vais de suite me brosser les dents dans le lavabo. Ça y est, je suis tout clean, je vais maintenant m'habiller. Par la suite, je vais descendre prendre mon petit déjeuner. Au petit déjeuner, je mange des petits écoliers. Je suis pas pédophile, mais j'aime trop les petits écoliers. On est dimanche, je me fais chier. Je vais aux toilettes pour me branler. Armé de mon portable et de mes écouteurs, je sens que j'ai passé un très bon quart d'heure. Bunty sous les acclamations. Merci, merci les gars. Trop lourd, Merci. Je crois qu'il y a des gens qui veulent te signer. Bah il faut que tu finisses quand même. Tranquille hein, Bunty, hein, vas-y tranquille. Bah, j'ai fini la commission là, c'est bon, elle est sortie. Bunty, merci pour ce moment de classe et de poésie à 20h30. C'était un bon moment avec toi. T'as deux, trois petites dédicaces, on peut te retrouver à part dans les toilettes, on peut te retrouver sur le net, vas-y balance. Ouais, sur le net, ma page officielle, Bunty officiel. Ça s'écrit B-U-N-T-I. B-U-N-T-I. Bunty officiel, voilà. Très bien. Et bah écoute, on ira suivre ça. Bravo Bunty, bravo pour ce côté trap, hein. Il y avait un côté trap aussi. Hein. Trap de Valenton, bravo à toi Bunty. Merci mes gars. A très bientôt, ciao. On ira suivre, on ira te cliquer en tout cas. Bunty, allez voir Bunty officiel. Il était avec nous ce soir dans le freestyle de Planète Rap. On met un morceau avant d'attaquer le live. Ouais, on va se mettre, vu qu'il y a plein de Parisiens, on va se mettre un morceau qui s'appelle Nasser El Khelaifi. Ah, voilà. Le patron du PSG. C'est le morceau de Dixon, ça. Ah, bah voilà, Dixon, je vois, ouais, Dixon en pleine forme qui est là aussi. On va se mettre ça. Ça a été mixé aussi par notre ami Ruskov, on lui fait une grosse dédicace. Et ça a été produit aussi par Bones Collector, qui est un des jeunes producteurs avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ce projet. Allez, on balance et après on attaque le live sur Skyrock. Exclu dans Planète Rap, CDC4 à découvrir tous les soirs de la semaine. Funny. Bounce, bang, bang. J'achète ce que je veux, qui je veux, où je veux, quand je veux. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. Rolex, Patek Philippe, Audemars, gros c'est fini. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. La carte grise est à mon nom. Elle est à mon nom. La carte grise est à mon nom. Elle est à mon nom. Contrôle de cœur, ils veulent quoi, c'est con. La carte grise est à mon nom. Cabaye sort la vezzi, tu rentres. Pastoré sur la touche, Funi passe avant centre. J'ai rien grave mais j'en ai dans le ventre. Funi, escale BS, les frères Obicrab corner, mettent la thune au centre. Sarko est une grosse merde. Hollande ne vaut pas mieux. Sur le terrain, les petits fument l'herbe. Triste décor comme un rifle. Gagarine, collège, village. J'bicravais au surpayant. Trop de haineux depuis mon plus jeune âge. Cache leur vie en m'observant. J'achète ce que je veux, qui je veux, où je veux, quand je veux. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. Rolex, Patek Philippe, Audemars, gros c'est fini. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. La carte grise est à mon nom. Elle est à mon nom. La carte grise est à mon nom. Elle est à mon nom. Contrôle de cœur, ils veulent quoi, c'est con. La carte grise est à mon nom. Trop de pistons, ils ont de la chatte. Ils disparaîtront comme un Snapchat. Quelques feuilles, c'est des C4. Sont tous en chien, mais plus de la chatte. La carte grise est à mon putain de blaze. Là, je te prends le pas d'un X-Max. Flow électrique, car les keufs nous tassent. Je reviens à la base et si je pète un câble. La carte grise est à mon nom. Sois carré ou tu feras pas un rond. Serre les fesses et tu remontes du parlu. Au stade, je suis suspect comme un barbu. J'ai connu l'Afrique et le palu. Aujourd'hui, merco, j'en talu. Dis-toi que j'achète ce que je veux, qui je veux, où je veux, quand je veux. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. Rolex, Patek Philippe, Audemars, gros c'est fini. Nasser El Khelaifi, Nasser El Khelaifi. La carte grise est à mon nom. Elle est à mon nom. La carte grise est à mon nom. Elle est à mon nom. Contrôle de cœur, ils veulent quoi, c'est con. La carte grise est à mon nom. Nasser El Khelaifi, Arbi Flokanri. Arbi Flokanri, Nasser El Khelaifi, Arbi Flokanri. mi homme, mi Qatari. J'achète même la touche Hariri. Ton équipe c'est de la grosse merde. J'vois la concurrence hurler. Gros, le game est fini, y'a qu'à la chicha qu'on voit des têtes brûlées. J'ai chasamé ma chasse d'eau. J'ai pu trouver ton pas mal. Gros, mon coffre c'est ton capot. R8, Pépé, Lambo, j't'ai dit j'achète ce que j'veux. Qui j'veux, où j'veux, quand j'veux. Nasser El Khalifi, Nasser El Khalifi. Rolex, Patek Philippe, Audemars, bon c'est fini. Nasser El Khalifi, Nasser El Khalifi. C'est des C4 dans les bacs. La carte grise sur le Coran, la carte grise est à mon nom. La carte grise est à mon nom. Elle est à mon nom. Les cartes grises sont à mon nom, fils de timbre. La carte grise est à mon nom. C'est des C4 dans les bacs. Let go. La carte grise est à mon nom. Nasser El Khalifi. À l'instant, c'est extrait de CDC 4, La Fouine, qui nous présente donc les morceaux, les artistes invités durant toute la semaine entre 20 et 21. Gros morceau aussi avec beaucoup de réactions. Hein. Continuez le hashtag La Fouine sur Skyrock. Lourd. Allez-y. 41-759. Balancez tous vos messages. On va partir sur le live. Bon, on va faire un gros live aujourd'hui. On a deux gros kickers. Oui, Xo. Préparez vos cassettes si vous êtes en prison. Mettez-vous devant votre PC. Augmentez le son dans votre voiture. Wesh, la famille, gros moi. Haroun. Ouais, Kufta. Il y a quelque chose de sérieux qui vous prépare là. Scorp et donc platine. Normalement, PH. Camo. Joe. C'est quand tu veux, Scorp. De Frax. Salut mon vieux, tu me reconnais. Exclusivité. Condamné araignée, bande d'enfoirés. Sous le toit. Ouais. Cuftard de terre, la paix. Bagneux, vent. Un. C'est la requête. C'est la requête. Cuftard de terre, la paix. C'est la requête. Un. Ok. Parler de Paris, par ici, c'est la requête. Carotte et Loki, des Yankees, c'est la requête. La Syrie, la Palestine, c'est la requête. Sur présent retentit l'heure du crime, c'est la requête. Pour avoir l'indépendance, c'est la requête. Même de cultard de terre quand ça balance, c'est la requête. Viens t'en prendre à la famille, c'est la requête. Le prix, c'est la requête. C'est dit, c'est la requête. Parler de Paris, par ici, c'est la requête. Tu carottes des Loki, des Yankees, c'est la requête. La Syrie, la Palestine, c'est la requête. Toujours présent retentit l'heure du crime, c'est la requête. Pour avoir l'indépendance, c'est la requête. Même de cultard de terre quand ça balance, c'est la requête. Viens t'en prendre à la famille, c'est la requête. Le prix, c'est dit, c'est la requête. Ta, c'est la requête. Comme Obtenari mais comme Aria, c'est la requête. Des 106 heures du mat, c'est la requête. Ces bâtards qui bavaient dans des blagues, c'est des degrés. Classé DMC, pas la ne paie. À part se prosterner sur un tapis, plus rien ne paye. Bruno va placarder ma grosse tête. À force de faire des pétards d'homicide dans mes ouais. La vie, ce putain de game, tu la me crée. Mieux bon. Même s'il ne faut qu'à faller, c'est dès le ciel. J'ai tous ces graillés comme au queue. Miley, couche qu'on m'a passé comme au te plaît. On te fait la teufée. Génération, nique ta mère, les règles, les têtes à teuté. Ouais. 1 million prêtes, qu'on les refait. Donne pas tes se fait. Vise un peu ce que je fais. Ouais. À vos auditeurs, oui, tu fais lequel. Entre elle ou bien le rôle de il, tu fais lequel. Ouais. C'est X, oui, c'est mon terre. T'as du flow, oui, c'est mon muspère. Nouvelle, c'est des sous, c'est des teubés. Y'a dans les SNX, c'est des teubés. Pyramide, tarterie, c'est la requête. Lutte blanc, c'est la requête. Mieux pas, c'est la requête. Paris de Paris, par ici, c'est la requête. Tu 40 des Loki, des Yankees, c'est la requête. La Syrie, la Palestine, c'est la requête. Toujours présent retentit l'heure du crime, c'est la requête. Pour avoir l'indépendance, c'est la requête. Neuf de cuftard de terre quand ça balance, c'est la requête. Viens t'en prendre à la famille, c'est la requête. Le prix, c'est la requête. C'est dit, c'est la requête. Parler de Paris, par ici, c'est la requête. Tu carottes des Loki, des Yankees, c'est la requête. La Syrie, la Palestine, c'est la requête. Toujours présent retentit l'heure du crime, c'est la requête. Pour avoir l'indépendance, c'est la requête. Neuf de cuftard de terre quand ça balance, c'est la requête. Viens t'en prendre à la famille, c'est la requête. Le prix, c'est la requête. C'est dit, c'est la requête. Condamné à régner. Sous le poing. Aïe. Xo. Fils de pute, refuse de m'p. Ce fils de pute, refuse de m'p. Salut mon vieux, tu me reconnais. Ce fils de pute, refuse de m'p. Je suis parti chercher chez lui. J'ai tombé sur sa femme, il se dit que se lâche bonnel. Ce fils de pute, refuse de m'p. Ce fils de pute, refuse de m'p. C'est un pour la taper, deux pour la taper. Bon, que du reste, mes négros sont tous affamés. Y'a plus de place à former, tu continues à nous lâcher. Vous les trusses, barillés, plein, j'en laisse plus chaud. Mon gang n'est pas riche, mon cher de berme. Un massacre à la cabine, pourtant c'est qu'un freestyle. On va planter partout, t'es un cartel. Si c'est pas toi, c'est ton père qui bossera pour nous. Un seul en micro, mais j'en système. Qui sème la violence récoltera les douilles. Les rames qui pensaient que tu vends nouveau prototype de rappeur aux couilles aérodynamiques. J'ai même pas encore sorti, mais ils prennent la fine. J'ai même pas encore sorti, mais ils prennent la fine. Fille chaga, real, nigga, réel, nigga dans les bye bitch, café qui ne s'en posait des questions. Pour sa vie, ne validez pas tout le texte. Je rappe comme si c'était mon dernier couplet en sourcil, comme si elle sale de femme. Yeah. Pousse ta vie de rêve sans connaître tes risques. Acteur sans connaître la fin du film. Dealer ou gros mafioso. On a des rôles de you voir comme Al Pacino. Souffreuse et l'ascension, hein. Dramatique et la sanction. Bang, narcotrafic dans les transactions dangereuses. La folie et cubaine, on sort la tronçonnaise. Aïe aïe aïe. Faut les fumer. Tout qui paie. Mon vieux, tu me reconnais. Tout qui paie. Dis-moi, dis-moi. Scamp. Scamp, scamp. Mets-moi l'instru de l'OV. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, JR, JR, JR de Tremblay à Fleury. Strike des Kebs. Yeah, c'est le spectacle. Samouna, Kokemon. Femme d'âme, ma BS fait des lovés. C'est les bras, son lèvre, ton revêt. Intérieur, cuir, vitre teintée. Tous mes robes sont broliquées, ils font des lovés, lovés, lovés, lovés. Dans quelques feuilles, on va se fâcher. En JP, j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non, Renoir, je vais pas te cacher. J'ai fait des lovés, lovés, lovés, lovés. Putain, j'ai des problèmes. J'entends que les petits m'ont clashé. En plus, ma chemise est tachée. Le rap me suce et je veux pas cracher. À part ça, mec, j'ai rien à faire. Je galère chez mon notaire. Signe des apparts à 1 million. Et je me barre en classe affaire. Niqué Borum, moi je l'ai déjà fait. Je m'en suis lassé, je m'en suis lassé. J'ai une avec le promissaire. Et le bijou, tu me passes les bras. Lève ta bécane en ire. Il n'est plus question de caler. Mon musper est comme leur teucar. Il se fait toujours avaler. Fouini, fouini, baby, baby, baby. Les chelhés font pas crédit. Faut faire des lovés, avoir un broly sous le thé. T'as connu les petits rappeurs street. Dis bonjour aux rappeurs Wall Street. Ouais, ici je te vends ce que tu veux. Meurs, coke, shit. Bref, en bref, ma BS fait des lovés. C'est les bras, on lève ton revêt. Intérieur, cuir, vitre, teinté. Et tous mes robes sont broliquées. Ils font des lovés, lovés, lovés, lovés. Pour quelques feuilles, on va se fâcher. En JP, j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non, Renoir, je veux pas te cacher. J'en fais des lové, lové, lové, lové. Quand tu cartes en course poursuite, dur de tracheter une conduite. Putain, il rappe à l'ancienne. Dans leur clip, y'a toujours des pipes. Méfie-toi, un jour c'est tes potes. Le lendemain, t'envoies des pics. Et ils n'ont pas retourné leur veste. Ils ont tourné la boutique. Bas les reins, bas les reins. Est-ce que les leurs sont solides? Quand ils me voient passer en bolide, la carte grise au nom de Mouille. Ta petite amie t'a lâché, elle veut sortir avec toi. Sur ses côtes, y'a F.A. Baby. D'abord, elle passera par moi. Quelques 16, quelques billets. J'ai vu sur un tas de Zeyo. J'ai plus sur quel pied danser. Non, je veux pas salir mes Kenzo. CDC autofinancé. J'ai le number à ta fiancée. Mec, tu rap pour le Zeyo. Grille, grille, grille. Femme d'âme, ma BS fait des lovés. C'est les bras, on lève ton revêt. Intérieur, cuir, vitre teinté. Et tous mes robes sont broliqués. Ils font des lovés, lovés, lovés, lovés. Quelques feuilles, on va se fâcher. En JP, j'ai tout arraché. Zanotti, diamant, Versace. Non, Renoir, je vais pas te cacher. J'ai fait des lové, lové, lové, lové. Ouais, ça va, tu m'entends. À l'instant, en live avec Xo, avec Sultan et la Fouine. Oh, big up à Sultan Xo. Putain, vous êtes des vrais MC. La définition. Merci. La définition d'un rappeur. Brochez-vous sur internet, mettez-vous sur skyrock.fm, regardez sur vos écrans. Vous avez Xo et Sultan, c'est des rappeurs. Et le live sera dispo aussi pour ceux qui l'ont loupé en direct. Il sera dispo à partir de 21h, enfin, dans la soirée. Dans la soirée, pour ceux qui l'ont loupé, voilà, gros live. Parce que Momo, je le connais, je dis 21h, mais. Ouais, c'est un robeux en même temps, faut pas lui en vouloir. T'es quoi? T'es Momo, t'es algérien, toi? Ouais. Ah, t'es fou, je dirais jamais du mal contre les Algériens. T'es un bon toi, voilà, t'es vraiment un bon, hein. T'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de bien.

sert à rien. Tu sert à rien. Salvatore. Je vais te pendre avec ma Salvatore. Faragamo. Faragamo. Je fais plus de bif que le Cisco. Dis ton Cisco. Salvatore. C'est des C4. Si t'as passé des C4, mon gars, tu sert à rien. Si t'as pas encore précommandé sur iTunes, tu sert à rien. Si t'es pas connecté sur Sky, ma petite gueule, tu sert à rien. C'est des C4. All F, Odge, Gun. Tu sers à rien à l'instant en morceau sur Capital du Crime 4. Beaucoup de réactions sur ce morceau. Gros morceau, on va défiler. Hein. Lourd, lourd, c'est des C4. Tu sers à rien en exclu sur Skyrock. Envoyez ça sur Twitter, Facebook, Instagram. Fouini Babe a envahi les studios de Skyrock et le CD sort lundi prochain. Il est déjà en précommande sur iTunes. Allez tous le précommander ce soir. Là, faut le faire monter, monter, monter. Allez-y, cliquez. Merci en tout cas pour cette soirée. On va saluer Xo qui était là avec nous. Merci Xo. Yes, Xo l'ennemi. Bah, le précommander aussi. Bah, profite. Projet, en fait. Profite. Profitez-en en effet pour CDC4. Après le projet, on l'a bossé comme un album. Donc ça arrive décembre pour toi. Voilà, c'est décembre, 1er décembre, Inch'Allah. Mais si on veut, on peut y aller. Vous tapez Xo tout de suite. Tu sais quoi ? Ouais. Prends-toi en photo avec la précommandée ce soir. Là, on t'envoie un t-shirt. Voilà, ah ouais. L'équipe, on gère ça. Et bah, allez-y. La page fan. On fait comment alors pour t'envoyer des photos via. Sur la page fan Facebook directement ou bien sur différents réseaux sociaux. Allez suivre Xo. Merci Xo pour cette soirée. Sultan, on t'attend en 2015. Ouais, 2015. Condamné à régner. Tout à l'heure, dans le freestyle, j'ai fait un extrait de l'album qui s'appelle CLR, c'est la reggae. Donc voilà. Et ben on suivra ça en tout cas pour 2015. Et puis la fouine, on se retrouve demain. Je tenais encore à les féliciter pour ce freestyle. Ouais. C'était vraiment un freestyle de malade. Vraiment, merci. Vraiment. Je crois que vous avez tous fait passer un bon moment. Et ça, j'espère que ça s'est ressenti aussi derrière vos écrans et puis dans vos voitures. Partout où vous avez écouté cette émission. Merci de nous suivre aussi nombreux. Merci de tous ces messages. Et on se voit demain, Inch'Allah. Et puis, juste avant, on fait tourner la roulette. Ah oui, oui, oui. Allez. La roulette. William. Ah, la roulette dans un instant. Et puis Difou, la radio libre aussi au 01 53 40 30 20 d'ici quelques minutes. Capital du Crime 4, c'est lundi dans les bacs. On a retrouvé la roulette. Allez, c'est parti, le temps d'envoyer. Hop. Skyrock t'offre des bons d'achat de 50 euros plus ta nouvelle compil Planète Rap 2014 volume 3. Allo William de Marseille, ça va bien William? Oui, allo, ça va et toi? Ça va, en pleine forme, t'as entendu ce gros live, t'as entendu les morceaux de la fouine de CDC4. Ouais. Ça va, t'es tranquille, bien? Ouais. Et bah ça arrive lundi. Salut, dans les William, bacs. Ça va ou quoi? Ça va. Ça va, nickel alors. Est-ce que tu es prêt à faire tourner la roulette? Ah ouais, à donf là. Allez, on y va. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ça va. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case. Et ben voilà, Planète Rap 2014 volume 3 et 50 euros en bon d'achat qui arrive à Marseille. Allez, c'est pour toi William. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et ben, et ben ça arrive, c'est ça qu'on veut, c'est pour toi, ça arrive à la maison. Allez, merci. Ciao William. Ciao William. Allez, vous direz tout. Ciao, ciao. Passe une bonne soirée. Merci la fouine. Ben, merci. On se retrouve demain, après-demain, après-demain. Il y aura plein d'invités. Ouais. Il y aura notamment justement H Magnum qui va venir le nom de cette semaine. Il y aura, exact. Voilà, il y aura Cozy. Il y aura Cozy, non, c'était non, hier. Cozy. Ah ouais, bah donc Cozy hier. Il y aura, les jours se mélangent, je comprends. Aussi, GSX qui vont venir de Lyon, qui vont nous interpréter justement. On va faire découvrir aussi. Il y aura des blessés, qui est un morceau aussi avec GSX sur l'album. Et puis, il y aura tous ceux composés sur le CD vont venir cette semaine. Ça va loupez mortel. Pas la suite de Planète Rap demain entre 20h21. J'ai entendu une dédicace qui venait d'où? Une dédicace. Ah, elle est arrivée dans un petit jeté de dédicace qui arrivait. Je me la suis pris dans l'œil. Alors que c'était. Ah bah ça continue. Alors que c'était bien calme. C'est la famille normale. Merci à vous tous. Merci allez. À tous en tout cas. Est-ce que Difool est là? Non. Non. Mais... Ah Romano. Marie et moi sommes là. Voilà, nous sommes là tous les deux. On tient la maison. Ça va? Ouais, je crois qu'on va sexer avec Marie un peu. Est-ce que vous voulez que je vous envoie la fouine pour remplacer Difool? Ah non, certainement pas. Je veux laisser Marie tout seul. Oh, foiré. Mais. Il est grave ce mec. Ça va, vous allez bien Marie? Bah, ça va la fouine. Bah, ça va, c'est plaisir de vous entendre, ça faisait longtemps. Ah, ouais, oui. Mais grave. Bah, alors, on a écouté pas les trappes. Hein. Ah, bah c'est cool. Bah, ouais, moi j'ai marché en t'écoutant. Ah, bah c'est cool. Bah, moi j'ai conduit en t'écoutant. Waouh. On a des vies de ouf avec Romano. Des vies incroyables. Ouais, de dingue. Bah, de toute façon, je passe vous dire un bonjour après, ok? Ouais, bah, à tout de suite alors. C'est dans la soirée. Avec plaisir. Ouais. Ah, bah, Fred. Bah oui, bah, Romano. Eh bah, qu'est-ce demain. Qu'est-ce ah bah demain. On te dit au revoir. Mais qu'est-ce qui se passe, Diffoul et où Diffoul arrive parce qu'en fait, il y a eu une galère avec une voiture. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc. Mais Diffoul n'y est pour rien. Je voulais prendre de ses nouvelles parce que j'étais très inquiet. J'ai vu un message arrivant. Non, mais Diffoul arrive, vous inquiétez pas, avec tout le reste de l'équipe. Quoi, le Belge n'est pas avec lui, mais je sais pas où il est, mais il arrive aussi. Momo me hurle à l'oreille qu'il est là, mais ça, à la limite. Ouais, mais ça, tu le vois. Ah, les contents du voyage. La soirée est sauvée. La soirée est sauvée. Non, mais dis-vous l'arrivée dans un taxi. Eh bah, les écoutes, on voit ça roule. Allez, ah bah, Fredo, à demain. Bah, bisous, demain. Et à la fouine, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tous les matins sur